Section 79 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Narrateur, lu par Sonia. Alfred Morsalin, lu par Rémi. Louis, lu par Agnès. Sonfroy, lu par Pierre. Robinet, lu par Hassan Ahmed Mahdi. La petite femme, lu par Cocotte. Monsieur de Serkigny, lu par Désiré Ouedraogo. La Fernée, lu par Margot. Une vieille dame, lu par Sandra. La jeune fille, lu par Stéphanie. Monsieur Urbain Audrion, lu par Sandra. Rose Luce, lu par Christiane Joanne. Un monsieur, lu par Slip. La lecture, tome 6e. Section 79. Un secrétariat, par Abraham Dreyfus. La scène se passe dans le cabinet de Monsieur Alfred Morsalin, secrétaire général du Théâtre des Fantaisies Comiques. Il est 1h de l'après-midi. Louis, le garçon attaché au secrétariat, est seul dans le cabinet. Il dépose sur le bureau de son chef un gros paquet de lettres et de journaux. Morsalin entrant. Ah ah, ça commence déjà ? Oh oui, monsieur. J'ai eu beau leur dire qu'on ne donnait plus de place, il n'y a pas eu moyen de les renvoyer. Ils sont enragés. C'est comme la grosse dame d'hier. Elle est revenue ? Je crois bien. Elle était chez le concierge depuis 11h. Je lui ai dit que vous ne seriez pas ici de toute la journée. Vous avez bien fait. Il y a aussi ce grand qui boite, vous savez bien. Il est venu l'autre jour avec une dame, je me rappelle jamais son nom. Il porte un lorgnon bleu. Ah, la torille. Oui, c'est cela. Vaborille. Mais il ne boite pas. Tiens, il m'a semblé qu'il boitait. Pas le moins du monde. Enfin, ça ne fait rien. Il m'a laissé une lettre pour vous. Elle est là, avec les autres. Bon. Pendant ce colloque, Morsalin a accroché son chapeau à une patère et a échangé sa jaquette contre une veste qu'il a prise dans une grande armoire où se trouvent aussi une cuvette, un pot à eau et divers objets de toilette. Il referme la porte de l'armoire et vient s'asseoir à son bureau. Vous allez me donner les réponses ? Oh, mais non, j'ai autre chose à faire. Plus tard, les réponses. Et vous savez que personne n'entre avant 3h. Bien, monsieur. Il sort. Je n'aurai jamais le temps de faire mes échos. Il ouvre quelques journaux. Voyons un peu ce que disent messieurs mes confrères. Lisant. Messieurs de Najac et Millot ont lu hier aux variétés... Trop tard, mon bonhomme. C'est annoncé partout depuis 3 jours. Il prend un autre journal. Nous apprenons avec plaisir que Madame Nilsson rentrera prochainement. Oui, en 1890, sont-ils naïfs. Nous sommes en mesure d'affirmer que Victorien Sardou... Je crois bien, c'est moi qui ai donné la nouvelle. C'est de la bouche même de l'éminent auteur. Parbleu, va donc, ne te gêne pas. On peut compter que l'œuvre nouvelle du célèbre académicien... Le célèbre académicien, ils m'ont copié mot pour mot. Une voix au dehors. Mais puisque je suis venu avec lui. On ouvre la porte. Vous voyez bien. Chaud-froid apparaît sur le seuil de la porte. Morsalin se levant. Qu'est-ce qu'il y a donc ? Cet homme mameluc qui voulait me soutenir que tu n'étais pas là. C'était sa consigne. J'ai à travailler. Très bien. Mais on reconnaît son monde. Alors, et qu'est-ce que tu fais de beau ? Oh, pas grand-chose, mon courrier. As-tu des nouvelles à me donner ? On dit que Sardou... Connu, c'est de moi. Ah ! Ils m'ont tous reproduit, sans me citer, naturellement. Quelques-uns ont encore essayé d'arranger la chose, mais Fortunatus n'a pas pris cette peine. C'est textuel, mon cher, mot pour mot. Ça ne m'étonne pas. Quand j'étais au Strapontin, ils s'appropriaient toutes mes nouvelles. À propos, tu peux annoncer qu'on va jouer la petite Lucrèce au bouffe. Je viens de rencontrer Évariste et Valfleury. Morsalin, haussant les épaules. Et ils t'ont dit, mais on ne la jouera jamais, leur pièce. Pourtant. Jamais. Voilà bien 2 ans qu'ils en parlent à tout le monde. Personne n'en veut. D'abord, elle n'est pas faite. C'est une raison. J'en sais quelque chose. Ils m'ont proposé de la faire avec eux. Trésor en était aussi. Ça n'est pas venu. Ça ne viendra jamais. Robinet, entrant. Je ne vous dérange pas? Ah, c'est ce gêneur de Robinet. Qu'est-ce que tu veux? Y a une loge pour ce soir. Y a-t-il moyen? Mais oui. Il signe un coupon et le lui donne. Tiens. Matin, comme tu le gâtes. Ça ne va donc pas? Nous avons fait 800 francs hier. C'est encore 300 francs de plus qu'au Britanné. Il fait si froid. Oui, eh bien, file. Au revoir. Il sort. Quel type? Ah, ne m'en parle pas, j'en ai plein le dos. La porte s'ouvre brusquement et une petite femme se précipitant derrière Morsalin lui bouche les yeux. La petite femme, d'une voix flûtée. Qui est-ce? Allons bon, à l'autre maintenant. Qui est-ce? Veux-tu me lâcher? Pas avant que tu m'aies donné 2 places. Tiens, et fiche-moi la paix. Oui, mon ange. Elle l'embrasse et se sauve en riant. J'espère qu'on va me laisser un peu tranquille à présent. Louis, entrant. Monsieur. Qu'est-ce encore? C'est un monsieur qui veut vous parler à toute force. Je lui ai dit que vous ne receviez pas. Eh bien, alors? Mais il a tellement insisté, il prétend que c'est pour une affaire personnelle. Voici sa carte. Morsalin, examinant la carte. Georges de Cerquigny. Connais pas. À Louis. Faites entrer. Chaufroy se levant. Je te laisse. Je reviendrai te prendre tout à l'heure. C'est cela. Chaufroy croise près de la porte un monsieur fort bien mis qui se présente avec un fort grand air. Monsieur Georges de Cerquigny? Le monsieur s'inclinant. Oui, monsieur. Morsalin lui indiquant un siège. Veuillez prendre la peine. Merci bien. Je ne veux pas vous retenir longtemps. Je sais que vos instants sont comptés. Il s'assied. En effet. Monsieur de Cerquigny, avec importance. Voici ce qui m'amène. Je suis représentant de la compagnie La Vigilante et l'on m'a prié. La Vigilante, c'est une compagnie d'assurance. Non, monsieur, non. Compagnie d'affichage. Nous avons le monopole de toutes les annonces sur les pontons des bateaux omnibus. Et à cette occasion... Ah bon, je comprends. Mais nous ne faisons pas d'annonces. Monsieur de Cerquigny, souriant finement. Vous pouvez en faire. Non. Votre voisin, monsieur Trubert, nous a pris un abonnement. Et il pourra vous dire que notre système d'affichage diurne et nocturne. Morsalin, se levant. C'est inutile, monsieur. Nous n'en avons pas besoin. Je sais bien que vos succès vous dispensent de toute réclame. Pourtant, une publicité intelligemment comprise. Je vous dis que nous n'en avons pas besoin. Monsieur de Cerquigny a tiré de sa poche un plan qu'il déploie sur le bureau de Morsalin. Permettez-moi, au moins... de vous expliquer en quoi consiste le système. Morsalin, repoussant le plan. Je le connais. Monsieur de Cerquigny, souriant. Vous m'étonnez, car notre monopole... Voyons, monsieur, ne perdez pas votre temps et ne me faites pas perdre le mien. C'est différent. Je me retire. Il replie son plan. Je vous demanderai alors de vouloir bien me donner 2 places pour ce soir. Morsalin, sèchement. Impossible. 2 places quelconques. Nous n'en donnons pas. Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. Et d'après la température, je supposais... Ah! Enfin, monsieur, je n'insiste pas. J'espère être plus heureux une autre fois, si vous me permettez de revenir. Mursalin, parcourant des lettres. Oui, oui, un autre jour. Au revoir, monsieur. Il sort. Mursalin, seul. Je n'aurai jamais le temps de signer mes billets. Une porte s'ouvre derrière Mursalin. C'est celle du cabinet directorial. La Fernet, passant sa tête. Dites donc, Alfred, vous avez envoyé la réclame au Paris Cascade ? Je m'en occupe. Bon. La porte du directeur se referme. L'autre se rouvre. Une vieille dame entrant, suivie d'une jeune fille laide, chétive et mal habillée. Avance, mon enfant. N'aie pas peur. Mursalin, levant les yeux. Qu'est-ce que vous demandez, madame ? Monsieur Alfred Mursalin. C'est moi. Si vous voulez bien prendre connaissance. Elle lui remet une lettre. Mursalin, parcourant la lettre à voix basse. Mon cher ami, je vous recommande. Oh. Eh bien, de quoi s'agit-il, madame ? Il se met à écrire. Mon Dieu, monsieur, j'ai appris que vous cherchiez une bonne chanteuse pour votre nouvelle pièce, et comme nous avons un parrain qui est très lié avec votre ami, nous l'avons prié de vouloir bien. Oui, vous voudriez faire engager mademoiselle ? La regardant. C'est votre fille ? C'est-à-dire, elle est comme ma fille, c'est moi qui l'ai élevée, elle est la fille de ma sœur. Ses parents ayant perdu toute leur fortune, je me suis chargée. Bon. Où a-t-elle fait ses études ? À Amiens, chez les sœurs de Saint-Joseph de... Vous ne me comprenez pas. Je vous parle de ses études musicales. Elle n'a pas été au conservatoire ? Non, monsieur. Je n'ai pas voulu. C'est trop mêlé. Mais ici aussi, c'est mêlé. Oh, ça ne fait rien, monsieur. Elle s'habituera. Elle a déjà joué et chanté en public. Se tournant vers la jeune fille. Voyons, chante à monsieur cet air que tu nous as dit l'autre jour. Tu sais bien? Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Va, n'aie pas peur. Monsieur ne te mangera pas. Mais je n'ai pas ma musique. Tu n'en as pas besoin. Allons, va. Je voudrais bien savoir quel était ce jeune homme, si c'est un grand seigneur, et comment. Mursalin se retenant de rire. Cela suffit, mademoiselle, je vois ce que vous savez faire. Alors, monsieur, vous l'engagez ? Oh, pas encore, les engagements ne se font pas si vite. Mais, monsieur, si vous avez besoin en ce moment... Non, madame, notre troupe est au complet. Plus tard, je ne dis pas. Nous verrons. Est-ce que vous ne pourriez pas nous fixer une époque ? C'est bien difficile. Donnez-moi toujours votre adresse, on vous écrira. La vieille dame à la jeune fille. Alice, donne une carte à monsieur. Mursalin, se levant et prenant la carte. Merci bien, mademoiselle. Vous penserez à nous, n'est-ce pas, monsieur ? Soyez tranquille. Allons-nous-en, Alice. Monsieur, je vous salue bien. Elle va pour entrer chez le directeur. Non, l'autre porte, à votre droite. Il va ouvrir. La vieille dame passe devant lui. Suivez le couloir, c'est cela. Il va pour refermer la porte. Un monsieur, entrant. Pardon ? Monsieur le secrétaire, s'il vous plaît. Il n'y est pas. Mais... Louis, accourant derrière le monsieur et faisant des signes à Mursalin. Si, c'est monsieur Lafernet qui m'a dit de vous amener, monsieur. Monsieur vient réclamer un manuscrit. Mursalin, avec humeur. À quel nom, monsieur ? Urbain Audrion. Comment ? Audrion, par une H. H-A. U-D-R-I-A-N. Audrion. Mursalin, cherchant dans un répertoire. Je ne vois pas ce nom-là. Quel est le titre de la pièce ? Filippo Fratelli. Hein ? F- Filippo, fratelli. Ah, bon. Il ouvre un carton et en sort une pile de manuscrits. C'est un acte en vers, de 53 pages, une couverture bleue. Se précipitant sur un manuscrit. Tenez, le voilà. Il le regarde. Ah non. Il le rejette et veut en prendre un autre. C'est peut-être celui-là. Laissez-moi chercher, monsieur. Il bouleverse tous les cartons. Vous devez l'avoir pourtant. Sans doute. À moins qu'il ne soit resté chez le directeur. J'en viens. Ou chez le concierge. C'est impossible. Il y a plus d'un an que je l'ai déposé. Je suis déjà venu 3 fois. On m'avait dit qu'on avait dû le lire. Enfin, monsieur, je n'ai pas le temps de le chercher en ce moment-ci. Si vous voulez bien repasser... C'est que j'ai aussi une autre pièce en 4 actes. Bianca L'Urbano. Pourriez-vous voir ? Non, monsieur, je n'ai pas le temps. Repassez ou écrivez. Bien, monsieur. Je repasserai. Il va pour entrer chez le directeur. Non ! L'autre porte, à votre droite. Ah, pardon. Il salue et sort. Il faudra que je fasse enlever cette porte-là. Vous n'oubliez pas mes réponses, monsieur. Le couloir est déjà plein de monde. Attendez un peu, je vous appellerai. Louis se retire. Morsalin signe fiévreusement une quantité de billets. Roselys, montrant sa tête dans l'entrebâillement de la porte. Y en a-t-il pour moi ? Ah, c'est vous. Entrez donc. Il se lève et va à elle. Vous savez que je viens vous demander une foule de faveurs. En échange de quoi ? Il lui prend les mains. Ah bah les pattes. Elle le pousse vers son bureau. Voyons, dépêchez-vous. Il me faut une loge. Morsalin, prenant un air grave. Oh, oh, c'est beaucoup. Ah, oh, voyons, mon petit Alfred. Alfred, elle m'a appelé Alfred. Il la lutine. Voulez-vous finir ? Un baiser en échange de la loge. Il agite le coupon. Rose s'en empare et s'échappe. Ah, scélérate, va. Il la poursuit. Roselys tourne autour des meubles. Il l'attrape. Voulez-vous finir ? Laissez-moi, Alfred ! Oh ! Pendant cette lutte, un monsieur est entré dans le cabinet. Pardon, je vous dérange peut-être ? Morsalin se retournant vivement. Qu'est-ce que vous voulez ? Excusez-moi si... Roselys s'esquive en riant. Morsalin brusquement. C'est pour des places ? Oui, monsieur, j'ai osé espérer... Des places pour vous ? Pour moi, c'est-à-dire pour les miens, car personnellement... Enfin, vous demandez des places. À quel titre ? Plaît-il ? Je vous demande à quel titre vous venez me demander des places. Vous êtes journaliste ? Oh, non, monsieur, nullement. Je n'ai jamais tenu une plume et je serais très embarrassé s'il me fallait... Alors, je ne puis rien vous donner. Pourtant, monsieur Gondinet m'avait dit... C'est monsieur Gondinet qui vous envoie ? Sans doute. Autrement, vous pensez bien que je ne serais pas permis... Bon. Il s'assied à son bureau. Donnez-moi votre lettre. Le monsieur le regarde d'un air étonné. Est-ce que monsieur Gondinet ne vous a pas remis de lettre ? Il ne m'a rien remis du tout. Qu'est-ce que vous me dites alors ? Quoi ? Vous me dites que c'est Gondinet qui vous envoie. Oui, mais il ne m'a pas donné de lettre. Je l'ai vu à Limoges. Nous sommes compatriotes. Il m'a dit quand vous voudrez des places de théâtre. Eh bien, que monsieur Gondinet nous écrive. Ah, il faut qu'il vous écrive ? Certainement. Vous comprenez, monsieur, je ne vous connais pas, moi. Ah, pardon, je ne croyais pas avoir l'air d'un voleur. Je ne vous dis pas... Ma famille est honorablement connue à Limoges, et si vous avez besoin de références. Non, monsieur. Seulement, vous comprenez que nous ne pouvons pas donner de place sur une demande verbale. Ce ne serait pas régulier. Oh, c'est différent. Du moment que vos formes administratives ne vous permettent pas de procéder autrement, je ne veux pas m'insurger. Priez monsieur Gondinet de vous remettre un mot. Mais c'est que je ne le verrai pas. Écrivez-lui. Où cela? Je n'ai pas son adresse. Moi non plus. Alors, comment faire? Morsalin s'échauffant. Faites ce qu'il vous plaira. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Pardon, monsieur. Je vois que nous ne nous comprenons pas. Je comprends. J'excuse votre irritation. Monsieur. Mais voyez-vous mettre un instant à ma place. Croyez-vous que je sois bien aise de ne pas avoir les billets alors que m'en a formellement promis? Ça ne me regarde pas. Comment? Le service des billets ne vous regarde pas? Vous n'êtes donc pas de secrétaire? Morsalin, furieux. Si, monsieur, mais je ne suis pas obligé de vous faire comprendre. Vous ne pouvez pas me donner un simple renseignement? Je ne vous demande pas autre chose. Je vous prie de me faire savoir. Ah, tenez, monsieur, finissons-en. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je veux savoir où demeure... Mais non, je vous demande combien il vous faut de place. Ah! Il réfléchit. Ce que vous voudrez. Morsalin signant un billet avec rage. Tenez! Monsieur, je vous prie d'agréer mes sincères remerciements. Oui, bonjour. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Il sort. Chaud-froid entrant. Eh bien, mais voilà. Es-tu prêt? Une minute. Il continue à signer ses billets. Chaud-froid le regardant. J'espère. Il y en a aujourd'hui. Hélas! Il sonne. Louis entre. Tenez, voilà vos réponses. Mais c'est que j'ai d'autres lettres. Trop tard. En voici une qu'on m'a recommandée spécialement. C'est d'un journal. Voyons. Il décachète la lettre. Le moniteur de la savonnerie. La déchirant. Qu'il se fouille. Et il y a plusieurs personnes qui demandent à vous voir. Je suis parti. La grosse dame d'hier est revenue. La grosse dame? À chaud froid. Filons! Elle va vous arrêter au passage. Passe par chez la Fernet. Il ouvre la porte. Tiens, il n'y est pas. Dépêchons-nous. Attends un peu. Il court à son armoire de toilette, se ravisant. Ah bah, tant pis. Je me laverai les mains chez Bignon. Ils disparaissent. Au même moment, l'autre porte s'ouvre et la grosse dame vient tomber dans les bras de Louis. Tableau. Fin de la section 79.